Sottise plus souvent, sans amour, sans le vent. J'aurais voulu mieux apprendre ta langue. Pour tout tu me sens vie, pourquoi pleurais-tu un matin de printemps? As-tu déjà oublié? Au bord de à la vie, à nos envies. J'ai voulu penser la nuit à soi, versée par nos rêves. J'aurais voulu qu'on se dise plus souvent, sans amour dans le vent. J'aurais voulu mieux apprendre ta langue. Pour ce type sans vie, pour pleurer-tu un matin de printemps? As-tu déjà oublié? On n'a jamais été si lâche. On a laissé le train passer sans y mettre une volonté. Berce-moi. On n'a vécu sans temps. On a pensé que on a renoncé à la vie, à nos envies. Laisse-moi, on n'a jamais été si lâche. On a laissé le train passer sans y mettre de volonté.